الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc les frères, on va commencer, inshallah. On demande à Allah Jalla wa Ala qui nous accorde al-baraka, la bénédiction, et qui nous facilite la compréhension de notre religion, et que ça soit dans le registre de nos bonnes actions, inshallah, liyawm al-qiyama. On va continuer, inshallah. Donc les frères, on est dans un sujet très important. On est dans un sujet qui est d'une immense importance. On a commencé hier à traiter le sujet lié concernant le destin, concernant ce qu'on appelle Al-Qadr, qui est la prédestinée ou le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un sujet d'une immense importance, c'est pour ça que ce n'est pas en vain que l'auteur a mentionné ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des questions liées à la croyance et au dogme des musulmans. Des musulmans, pour ça, c'est un sujet qui est très important. On avait déjà, puisque hier on avait commencé à parler de la question liée au destin, à la prédestinée, et hier on avait mentionné le maratib al-arba'a. Donc on avait terminé sur la citation des 4 degrés. Des 4 degrés, ici pour avoir une bonne croyance, une croyance saine et pure concernant le destin et la prédestinée, on avait dit qu'il fallait croire en ces 4 degrés. Les 4 degrés, on avait dit le premier degré, al-ilm, ensuite al-kitaba, ensuite, on avait dit « al-mashi'a », la volonté. Et quatrièmement, on avait dit « al-khalq » ou « al-ijad », la création. Et donc, dans ces quatre, « al-ilm », l'écriture, « la mashi'a », la volonté et la création. Donc, il faut croire en ces quatre choses. On va aujourd'hui détailler plus la question et essayer de comprendre plus la question du qadr. Pourquoi ? Parce que celui qui a une bonne croyance au qadr, et dans tous les autres sujets aussi liés à la croyance et au dogme, eh ben, il va être apaisé. Et c'est ça le but. C'est que le cœur du croyant soit apaisé et tranquillisé. Et ça, c'est très important. Donc vous allez voir dans ce qui va suivre, on va avoir des réponses à beaucoup de questions que beaucoup de gens se posent. Pourquoi ? Parce que beaucoup de choses en réalité, beaucoup de choses qui touchent soit notre vie, ou des choses qu'on observe dans ce monde, si on a une bonne croyance au qadr, on aura compris beaucoup de choses qui se passent dans cet univers, qui nous touchent directement, ou bien indirectement, ou qui touchent autrui. Mais le fait d'avoir une mauvaise croyance dans ce domaine, alors ça va créer des incompréhensions. Et parfois ça va même nous mener dans des, on va dire, des domaines défendus. C'est pour cela que ce domaine-là, ou cette question-là liée au qadr, il faut bien comprendre cela. Taïb, donc on va continuer, inshallah, sur l'explication de la lettre d'Ibn Abi Zayd, rahimahullahu ta'ala. Donc la question du qadr, vous avez vu l'auteur la mentionne après qu'on ait fini d'avoir étudié la question liée à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala de la parole, et la question aussi lié au Coran, et le fait que le Coran est bien et bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la révélation. Donc aussi bien lorsque l'auteur a parlé de la question liée à l'attribut d'Allah concernant la parole sifat al-kalam, comme on a dit, et aussi bien la question liée au Coran, et que le Coran est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la révélation, là il a réfuté, comme on a dit, les doctrines négatrice, si on peut le dire, ceux qui nient, ce qu'on appelle les négateurs, ceux qui ont nié aussi bien les attributs d'Allah et qui ont nié le fait que le Coran est la parole d'Allah. Et à savoir, une question importante, qui est le premier dans la communauté, c'est-à-dire qui a revendiqué l'islam et mis en apparence l'islam et qui a nié le fait que le Coran est la parole d'Allah et qui a voulu propager cette croyance que le Coran et une création, c'est Ja'ad ibn Dirham. Les savants nous disent que le premier qui a rapporté cela, c'est Ja'ad ibn Dirham. Sauf que comme on l'avait dit ensuite, c'est son élève, Jahm ibn Safwan, lui, l'a propagé ensuite. Lui, l'a vraiment propagé. Pourquoi ? Parce que lui, c'était quelqu'un, comme il est dit dans sa biographie, Jahm ibn Safwan, hein, le fondateur de la doctrine de Al-Jahmiya. Il est mort en à peu près, certains biographes ont dit, en 128 de l'Hégire. Certains disent 130. En tout cas, c'est à peu près 128 de l'Hégire. Donc, vous avez vu, c'est un peu avant la deuxième moitié la moitié du deuxième siècle. C'est au deuxième siècle. Un peu après le début du deuxième siècle de l'histoire de l'islam. Et Jahm ibn Safwan, lui, dans sa biographie, il est dit c'était quelqu'un qui aimait polémiquer. Qui aimait polémiquer. Et c'était une sorte de philosophe. Il aimait le savoir de la rhétorique, la théologie spéculative et les débats. Et les débats. C'est pour ça que c'est célèbre que plus tard ensuite, lorsqu'il priera avec Muqatil ibn Sulayman, Muqatil ibn Sulayman, c'est l'un des fondateurs de la pensée de ce qu'on appelle al-tajzim, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Vous avez vu, hein, cette pensée de faire de la similitude, de la comparaison entre les créateurs et la créature. Ceux, si vous voulez, qui ont exagéré dans l'affirmation des attributs. L'affirmation des attributs. Et lorsqu'ils ont exagéré, ça a abouti au fait de faire ressembler le créateur à la créature. Et ce qu'on appelle Al-Mujassima, hein, les partisans de Al-Mujassima, en arabe on les appelle comme ça, Al-Mujassima, l'un des fondateurs et l'une des têtes, hein, de cette pensée, c'est Muqatil ibn Sulayman, un homme qui s'appelait Muqatil ibn Sulayman, qui a vécu à l'époque justement de Jahm ibn Safwan. Et justement, il y avait régulièrement des débats entre Jahm ibn Safwan et Muqatil ibn Sulayman. Al-Muhim. Donc, ce qu'on voulait dire, c'est qu'ensuite, c'est Jahm ibn Safwan qui a propagé cette croyance-là que le Coran est une création et aussi le fait de nier les attributs d'Allah. Nier les attributs d'Allah et aussi bien les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le premier qui avait revendiqué cela dans la communauté, c'était Jahd ibn Dirham. C'est pour ça que l'imam al-Zuhri, le grand imam, hein, parmi nos pieux prédécesseurs, lorsqu'on l'interrogeait au sujet de Jahd ibn Dirham, il ne voyait pas l'islam de cet homme. Et il disait, il ne fait pas partie de la communauté de Mohammed. Hadha al-Rajul, Jahd ibn Dirham, du fait de son hérésie. Les savants, vous pouvez trouver dans certains livres, ont même remonté la chaîne de transmission. C'est-à-dire, d'où Jahd ibn Dirham, cet homme-là, a pris cette croyance-là. Entre autres, hein, parce qu'il a rapporté d'autres hérésies et d'autres nouveautés et innovations. Mais là, on parle de la question de Khalq al-Qur'an. Où est-ce qu'il a pris cela? Et subhanallah, vous allez trouver dans des livres, hein, des grands savants comme Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il va mentionner la chaîne de transmission. Vous avez vu, toutes les sources ont été préservées. On peut même remonter d'où cette croyance est venue. D'où cette croyance et cette pensée-là est venue. Et bien, certains savants comme Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, vous avez aussi Ibn Hazm, dans un de ses livres aussi, il mentionne la source. Vous avez même d'autres. Vous en avez d'autres aussi qui ont mentionné cette chaîne de transmission. Ils disent que Jahd ibn Dirham a pris cette pensée-là de son shir, d'un homme chez qui il a étudié, qui s'appelait Bayan ibn Sam'an. Bayan ibn Sam'an. Et il a étudié et il a pris cette pensée-là chez lui, chez cet homme qui s'appelait Bayan ibn Sam'an. Or, cet homme, Bayan ibn Sam'an, si vous regardez dans sa biographie, vous trouvez que des savants, ils disent que cet homme, à un moment donné, a même revendiqué Nubuwa, la prophétie. Cet homme arrive à un moment à même revendiquer la prophétie. Et c'est lui qui a la tête d'une secte ensuite qui a émergé, qui est apparue, qu'on appelle Al-Bayaniya, de son nom. Vous avez vu, Bayan ibn Sam'an, Al-Bayaniya. Al-Bayaniya, c'était une doctrine du chiisme qui considérait Al-Uluhiyya li-Ali, qui considérait que Ali, le quatrième calife et gendre et cousin du prophète, alayhi salam, était Al-Ilah, la divinité, celui qui devait être adoré. Et certains savants de biographie rapportent que Bayan a revendiqué et rapporté cela. De là, il y a eu la naissance de, de cette doctrine qui s'appelle, cette secte, hein, qui s'appelle Al-Bayaniya. Al-Bayaniya. Taïb. Ça, c'est en ce qui concerne Bayan ibn Sam'an. Bayan ibn Sam'an. Taïb. De qui lui, elle a pris ça, cette pensée-là, Bayan ibn Sam'an? Ils disent qu'il a pris d'un homme qui s'appelait Talut. Talut, c'est lui qui a enseigné à cet homme qui s'appelait Bayan ibn Sam'an. Talut, lui, cet homme qui a enseigné cela ensuite à Bayan, de qui il a pris cela? Ils disent qu'il a pris cela de son oncle. Son oncle, c'est-à-dire du côté, son oncle maternel, hein, du côté de sa mère, c'est-à-dire le frère de sa mère. Le frère de sa mère. Son oncle, qui s'appelait Labid ibn al-Arsam. Le célèbre Labid ibn al-Arsam. Pourquoi je dis le célèbre, hein, Had al-Khabith? C'est celui qui a ensorcelé le prophète, alayhi salam. Sahir al-Nabi, alayhi salam. Et il faisait partie de Qabilat Bani Quraïda. Il faisait partie d'une tribu juive qui s'appelait, qui était de la tribu des Bani Quraïda. Bani Quraïda. Et ce qui est important, regardez, lorsque vous remontez cette chaîne de transmission, il est dit que l'Abid ibn al-Arsam, qui faisait partie de cette tribu juive Bani Quraïda, eux, ils avaient la conviction et la croyance que la Torah était créée. Subhanallah. Ensuite, ça a été introduit ensuite par cet enseignement-là chez les musulmans. Et de ce fait, l'importance d'être sur la lumière de l'ilm, de la science, pour pas dévier vers des croyances comme celle-ci. Donc regardez, tout a été préservé. Comme on a dit dans les cours précédents, les sources sont préservées. Il faut juste chercher, lire, être en quête de savoir et comprendre. Regardez, cette chaîne de transmission a été préservée, relatée dans des livres. Donc regardez, si on remonte alors à l'abbé d'Ibn al-Arsam, hala, Sahir al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a enseigné à cet homme qui s'appelait Talut. Talut, donc il l'a enseigné à son neveu, le fils de sa sœur. Talut, ensuite, a enseigné cela à Bayan ibn Sam'an, et c'est Bayan ibn Sam'an qui était le shir et qui l'a enseigné à Jad ibn Dirham. Et il est dit que Jad ibn Dirham, qui a vécu à l'époque de la dynastie Omeyyade, il a, à un moment donné, il était pourchassé. Et surtout lorsqu'il y a eu l'apparition de ces hérésies, il était pourchassé. Donc, il a vécu à Dimashq, à Damas. Il était à Damas, à Dimashq. À un moment donné, il va fuir. Il va fuir vers l'Irak, Al-Kufa. Il va fuir vers Al-Kufa. Et c'est là qu'ils disent qu'il va rencontrer Jahm. Dans certains biographes, hein, rapportent de cette manière, ils disent qu'il va rencontrer Jahm ibn Safwan. Et là, il va lui enseigner. Il va lui enseigner cela, et ensuite, ça sera Jahm ibn Safwan qui va propager ces poisons dans la communauté. Et il va être à la tête d'hérésie et de croyances que les musulmans ne connaissaient pas. C'est pour ça que ça va lui valoir le fait que beaucoup d'imams, à cette époque, vont le considérer comme étant hors de l'islam et ne faisant pas partie aussi, lui aussi, de la communauté de Mohammed. C'est pour cela que même à l'époque de Abdallah ibn al-Mubarak, lorsqu'il cita la base et l'origine des sectes, il n'a pas mentionné Al-Jahmiya. Lorsqu'on interrogeait Abdallah ibn al-Mubarak, tu n'as pas mentionné Al-Jahmiya, cette secte célèbre et connue, et à leur tête Jahm ibn Safwan, il dit, moi j'ai mentionné les sectes de l'islam. En sous-entendant que هذه ليست من الإسلام. واضح الكلام. طيب. On continue. Entre autres aussi, comme on a parlé précédemment dans le cours précédent, on a parlé de ces dérives. Ces dérives concernant le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant aussi la question liée au Coran. Au Coran, sachez de même que la croyance au qadar, eh ben, lorsque beaucoup n'ont pas compris la croyance pure et saine liée à la prédestination, au qadr, eh ben, ça a été la base de l'émergence et l'apparition de doctrines et de sectes égarées. C'est-à-dire que beaucoup, lorsqu'ils sont rentrés dans le domaine du qadr, à savoir, mes frères, sachez que, comme certains salafs disaient, le qadr, c'est le secret d'Allah. Sirr. Sirrullah. C'est le secret d'Allah. sachez qu'il y a des domaines défendus. Il y a des questions qu'on ne peut pas se poser, que notre conception est limitée. Et lorsque des gens ont voulu s'initier dans les affaires du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et rentrer dans des domaines et débattre et polémiquer, spéculer dans des domaines défendus, alors ils ont dévié et il y a eu donc l'apparition de ces dérives concernant la question du qadar. Donc on va continuer, inchallah, vous allez voir, c'est une question qui est très très très importante, puisque comme on l'a dit, ça fait partie des... Elle fait partie des piliers de l'Iman. Et ce qui est pertinent, c'est que lui, l'auteur, Ibn Abi Zayd, mentionne, vous avez vu, en quelques phrases, hein, il nous parle de la croyance au qadr, en quelques phrases, et Cheikh ici, le commentateur, Cheikh Al-Fawzan, va nous l'expliquer aussi, vous allez voir, hein, on va lire le commentaire, comme à notre habitude, et va l'expliquer d'une manière très simple, mais vous allez voir qu'à la fin, lorsqu'on l'étudie de cette manière-là, et on comprend le qadr, on est apaisé. Et on va connaître cette tranquillité interne, cette quiétude interne. Et ça, c'est très important. Parce que le musulman, lorsqu'il apprend, le but, c'est d'être apaisé, d'être tranquillisé, d'être éloigné de toute forme de confusion et d'ambiguïté. Et vous allez voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Donc regardez, lui, l'auteur, mentionne la question d'une manière très simple, avec quelques mots, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il fait allusion à la question du qadr. Il dit, il y a aussi, donc après qu'il nous ait parlé de l'Iman, la croyance en l'attribut, aux attributs d'Allah, et concernant aussi l'attribut de la parole, ensuite il nous a parlé que le Coran est bien et bien la parole d'Allah, et il n'est pas créé. Ensuite il va nous parler de la question liée au qadr en disant, il y a aussi la foi en la prédestination du bien et du mal, de ce qui est agréable comme de ce qui est contrariant, c'est-à-dire de ce qui est doux. L'auteur a mentionné le terme le hulou, c'est quelque chose qui est doux. Il a cité aussi le terme mur, c'est-à-dire quelque chose qui est amer. Et il dit, tout cela était prédestiné par Allah, notre Seigneur. Que ce soit les choses bonnes ou mauvaises, des choses qu'on trouve douces ou bien amères, et bien tout cela était décrété et prédestiné par notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc on continue maintenant, Cheikh nous dit dans le commentaire, Cheikh Al-Fawzan nous dit, Tayyib. Faqala, après qu'il ait mentionné les quatre maratib. Donc hier, hein, lorsqu'on a parlé du qadar, on a dit, donc il faut croire préalablement aux quatre maratib, c'est très important. Comme on a dit au début du cours, al-ilm, wal-kitaba, wal-mashi'a, wal-ijad, wal-khalq. Donc c'est quatre choses-là. Au fur et à mesure de l'explication, on va mieux comprendre ces quatre degrés-là et ces quatre points-là, pourquoi l'importance. Faqala al-Shir, après qu'il ait mentionné donc les quatre degrés, faqala hadihi maratib al-iman bil-qada'i wal-qadar. Wa man jahada wahidatan minha faqad kafar. Donc on s'est arrêté sur ça hier. Donc il dit ces quatre maratib font partie de la croyance à ce qu'on appelle al-qada wal-qadar. Al-qada wal-qadar. Et وَمَنْ جَحَدَ وَحِدًا مِنْهَا فَقَدْ كَفَرْ. Et celui donc qui va mécroire à l'un de ces quatre, l'un de ces degrés, parmi les quatre degrés, hein, celui qui va mécroire en l'un d'eux, eh ben, il aura mécru au qadr. Comme on va mieux comprendre dans ce qui va suivre. Parce qu'Allah dit dans un verset, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ. Il n'y a pas un malheur, une affliction, une musiba, si vous voulez, qui touche la terre, ou bien vos personnes, sans que cela ait été consigné dans un livre. Sans que cela ait été consigné dans un livre, traduction relative du verset. Et Allah, Jalla wa'ala, dit, min qabl anna bara'aha. Et Shir nous explique l'explication du verset, lorsqu'Allah dit, avant même anna bara'aha, c'est-à-dire, min qabli anna khluqaha. Avant même qu'on ait créé, qu'il ait créé. Et donc, on comprend bien dans ce verset, il y a une preuve que, avant même l'existence de cette création et de ces créatures, eh ben, tout a été consigné fi lawh al-mahfouz, dans la table bien gardée et préservée. Comme on l'avait pris dans un hadith qu'on avait lu hier, avant même la création des cieux et de la terre, de 50 000 ans. Le prophète sallam dit, tout a été consigné, inscrit, fi lawh al-mahfouz, et le trône d'Allah était sur l'eau. Et lorsqu'on parle du trône, entre parenthèses, ça nous rappelle aussi une histoire qui est rapportée lorsque tout à l'heure on a parlé de Jahm ibn Safwan, on parle du trône, il est rapporté que l'épouse, la femme de Jahm ibn Safwan, reniait la croyance au trône. Reniait la croyance au trône, et il est rapporté dans une histoire qu'un jour, elle était en présence de l'épouse d'un grand imam qui était le shir de l'imam al-Bukhari, al-Mekki ibn Ibrahim, si je ne me trompe pas, elle lui a nié justement l'existence et la création du trône. Et de là, la femme, l'épouse de cet imam, du shir de l'imam al-Bukhari, al-Mekki, elle lui a répondu d'une manière, vraiment d'une manière qui ne laissait plus place à la réponse. Et un des mashayikhs, l'un des grands élèves, fait partie des mashayikhs aujourd'hui, l'un des grands élèves de Cheikh Ibn Baz, il dit cette histoire, on l'avait lu à Cheikh Ibn Baz. À l'époque, on a lu cette histoire, hein. C'est, on va dire, cette controverse, ou ce débat qu'il y a eu, ou cette parole qu'il y a eu, ce désaccord qu'il y a eu entre la femme de Jahm ibn Safwan et la femme, l'épouse du shir, ou l'un des savants, l'un des shir, l'un des maîtres de l'imam al-Bukhari. Et il dit, le savant dit que Cheikh Ibn Baz leur a dit, lorsque cette histoire lui a été lue, il dit, Al-Khabitha, Khabitha, Zawjatul Khabith. Il dit, quelle mauvaise femme, la mauvaise, la femme du mauvais. Moi, Kada Yani, c'est juste une petite anecdote. On revient. Et on s'est arrêté. Donc, tout a été inscrit, consigné, avant même la création des cieux et de la terre, de 50 000 ans. Donc lorsqu'on sait cela déjà, ça nous donne déjà une connaissance et un savoir, de savoir que avant même la création des cieux et de la terre de 50 000 ans, tout a été consigné et inscrit dans un livre, préservé dans la table bien gardée. Et Allah dit dans le verset, Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Et cela, pour Allah, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose d'aisé. Ce n'est pas difficile. Ensuite, Cheikh nous dit, فَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Allah a tout créé, subhanahu wa ta'ala. وَقَدَّرَ كُلَّ شَيْءٍ. Et il a tout prédestiné. Donc là, vous pourrez comprendre le degré, le quatrième degré qui est la création. Qu'Allah Jalla wa'ala a tout créé, mais on va mieux le comprendre dans ce qui va suivre aussi. Et vous comprendrez la sagesse des savants, pourquoi ils nous enseignent cela. وَهَذَا يَسِيرٌ عَلَيْهِ. وَلِمَاذَا أَخْبَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِذَلِكَ. Cheikh nous dit, pourquoi, et là Cheikh Fawzan nous pose une question, il émet une question en disant, et pourquoi Allah nous a informé de cela? C'est-à-dire, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que avant même qu'il crée les cieux et la terre, tout a été consigné dans la table bien gardée et préservée? Pourquoi? Alors regardez ce qu'il va dire. Il va répondre tout simplement avec un verset. Et wahfadhu hadhihi al-aya. Et mémorisez ce verset. Ça fait partie des versets qui nous donnent énormément de leçons et de compréhension. Regardez, il va leur répondre tout simplement, Shir répond plutôt, tout simplement avec un verset. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit, likayla ta'saw ala ma fatakum. Dans une traduction relative du verset, tout simplement afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé. C'est-à-dire, pour ne pas être chagriné, être dans la confusion, être perturbé, pour ne pas être tourmenté. Et donc, Allah Jalla wa Ala dit, لِكَيْلَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Pour ne pas que vous soyez tourmenté au sujet de ce qui vous échappe. Donc il y a des choses dont on n'en a pas la connaissance, des choses qui nous échappent. Et bien, pour ne pas être tourmenté, regardez, le fait d'avoir une bonne connaissance au qadr, comme vous allez voir, et bien ça nous apaise, ça nous tranquillise. Et de là, on connaît une quiétude interne. Shir nous explique, c'est-à-dire, « إذا أصابك شيء » وَعَلِمْتَ أَنَّ هَذَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِي فَلَا تَأْسَ وَلَا تَحْزَنَ. Il dit de ce fait, lorsqu'une chose t'atteint et tout touche, une difficulté, un malheur, t'es affligé, une affliction te touche, alors, lorsque tu sais que tout était prédestiné et décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, alors, fala tahzan, ne sois pas triste, ne sois pas affligé, ne sois pas tourmenté, parce que tu sais qu'Allah jalla wa ala a prédestiné toute chose, subhanahu wa ta'ala. La Bouddha, لأنه لا بد أن يكون ثم ثم قال جل وعلا. Comment ça va te tranquilliser? Parce que Cher dit, parce qu'une chose qu'Allah a décrétée, il est inéluctable qu'elle va, c'est inéluctable, elle va se produire et se réaliser. C'est inéluctable. Donc, quoi que tu puisses faire, c'est inéluctable. Ce qui a été décrété et prédestiné va se produire. Alors Cher dit, ensuite Allah, regardez, il dit, dans le même verset, lorsqu'Allah dit « Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous échappe », il dit « Wala tafrahu bima atakum »« Wala tafrahu »« Ajib »« Bima atakum » Et aussi, pour ne pas, ou on va dire dans une traduction relative du verset, « Et ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné ». Le fait d'exulter, c'est dans le sens, c'est un contentement, le fait de se réjouir d'une manière démesurée. Et tellement Allah, Jalla wa Ala, par exemple, nous a donné, on va se réjouir d'une manière démesurée et ça va nous faire tomber dans la vanité, dans l'orgueil. Et comment ça? S'enorgueillir. Donc, le fait d'avoir une bonne croyance au qadr, ça va faire que la personne, il va connaître la tranquillité, ne pas se chagriner, s'affliger et de ce fait aussi, il va ni se contenter pour des choses qui lui ont été données parmi les bienfaits, et que ce contentement, le fait qu'il se réjouisse d'une manière démesurée, le mène vers la vanité, l'orgueil. Taïb. Aïe, la tafrahu bima a'atakum faraha batar wa ashar wa takabbur, comme il dit. Donc de là, c'est simple, hein, vous comprenez. On continue, regardez. Allahu qaddara kulla shay. Allah a tout prédestiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah a tout décrété. Quel est le sens de cela? Regardez, Cheikh va nous dire. Al khayr wa shar. Wal iman wal kufr. Wal hidayata wal dalal. Kulluhu min qadarillahi jalla wa ala. Wa huwa min nahiyati khalqillahi jalla wa ala lahu ghayru shar. Li'annahu khalaqahu li hikmah. وإنما هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه فالقتل والجراح والمكروهات كلها شر على من وقعت عليه وهي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ليست بشر بل من كماله سبحانه وتعالى أنه خلق الخير والشر لأنه من كمال الخلق ولا يقتصر على الخير فقط ولا على الشر فقط بل خلق هذا وهذا وهذا من عجائب خلقه سبحانه وتعالى كلام نفيس كلام عجيب. Regardez ce qu'il va nous dire de manière très simple, Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit, lorsqu'on dit qu'Allah a tout décrété et prédestiné, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a prédestiné aussi bien le bien que le mal, la foi et l'incrédulité et la mécréance, la guidée et l'égarement, tout cela Allah Jalla wa Ala l'a décrété prédestiné. Wa huwa min nahiyati khalqillah la. Et en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui lui concerne, par rapport à cet aspect-là, ce n'est pas un mal. Ce n'est pas un mal en ce qui lui concerne subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a créé cela et il y a une grande sagesse. Et sa sagesse, Allah Jalla wa Ala, est infinie. Donc il a décrété et créé tout cela avec et par une sagesse infinie. Les hikmatin baliga. Wa innama, mais ce mal que nous, hein, en tant que créature, ce mal qu'on voit comme le meurtre, les blessures, les choses qu'on répugne, ce mal par rapport à nous, nous on voit cela comme étant mal et répugnant. Et consternant par rapport aux créatures. Pourquoi? Parce que les créatures subissent cela, subissent ce mal. Donc pour les créatures, ils voient cela comme étant mal. Mais par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une grande sagesse, une sagesse infinie. Et c'est pour cela que le shir nous dit que Allah jalla wa ala ne s'est pas restreint d'avoir créé le bien, il a créé aussi bien le bien et aussi bien shar. Il ne s'est pas restreint au bien. Wala al shar faqat, il n'a pas créé que le mal aussi. Il ne s'est pas restreint à créer le mal seulement. Sauf que Allah a créé cela et cela, et ça, ça fait partie min ajaibi khalqi, il dit. Et ça, ça fait partie de on va dire, de la création très étonnante de cet univers qu'a créé Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقَ الشَّرَّ إِلَّا لِحِكْمَةٍ. Et Allah a créé le mal que pour une sagesse. Il y a une sagesse infinie dans la création de cela. مَا خَلَقَهُ عَبَثًا. Il n'a pas créé cela en vain, par pur amusement. Là, ça n'a pas été créé en vain. Mais il y a des raisons. Il y a une sagesse immense et infinie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma khalaqahu liyabtaliya bihi wa yakhtabir wa yu'aqib bihi man yastahiq al'uquba. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé cela pour éprouver et tester. Et ensuite, rétribuer. Fa yu'aqib man yastahiq al'uquba. Donc Allah ensuite rétribue. Celui qui a commis ensuite le mal sera rétribué pour la pratique de ce mal. Mais cela est considéré comme une justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya bin nisbati ila Allahi mahmouda. Donc en ce qui le concerne, Allah jalla wa ala, ce qui lui concerne, c'est quelque chose de louable. De louable. لأنها تناسب المحل الذي وقعت عليه وهي العدل وهي عدل من الله جل وعلا وكما أنه يجازي المحسن كذلك يجازي المسيء ويجازي المحسن بالخير ويجازي المسيء بالشر. Et Allah, comme cela, il rétribue. Il rétribue et récompense le bienfaiteur, le bienveillant, et aussi il punit le malveillant et celui qui a mal agi. Et cela fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاللَّهُ خَلَقَ شَرَّ لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ. Donc Allah a créé cela pour une raison et une sagesse immense, infinie. لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ عَظِيمَةٍ وَلِعَدْلٍ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et cela en toute justice et équité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَجِبُ الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. C'est pour ça qu'il incombe, il est une obligation de croire au destin, bon ou mauvais. Vous comprenez maintenant lorsqu'on parle de la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Maintenant, il y a quelque chose de très important à savoir. Ensuite, juste, on va terminer la phrase et on va expliquer quelque chose de très important par rapport à ce que mentionne le shir ici. بل إذن فيجب الإيمان بالقدر خيري وشري لا يؤمن بالخير فقط ولا يؤمن بالشر أو الخير فقط. بل يؤمن بالخير والشر كله من الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. Donc on ne doit pas croire au bien, à la prédestination du bien seulement, ni croire à la prédestination du mal seulement, mais on doit croire à quoi, les frères? Aussi bien la prédestination du bien et du mal, les deux. Par contre, dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit والشر ليس إليك. Par contre, le mal, on l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'expliquera. Maintenant, les frères, il y a quelque chose de très important. Ici, Shir ici souligne quelque chose de très important. Comme on a dit précédemment, sachez que le qadr, la croyance au destin, fait partie des secrets d'Allah. Il y a des domaines qui sont défendus. Ces domaines qui sont défendus, il ne faut pas essayer de les pénétrer et de s'introduire dans les domaines défendus. Parce que comme on a dit tout à l'heure, et on parlera des doctrines, des dérives qui sont apparues lorsqu'ils ont commencé à spéculer dans le domaine du qadr. Des sectes et des mauvaises croyances, des dérives ont émergé et sont apparues. Alors à savoir que le qadr, c'est ce qu'on appelle le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose qu'il faut apprendre et qu'il faut mémoriser et comprendre et garder dans son esprit. qu'Allah Jalla wa Ala n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Allah la yus'al amma yaf'al. Mais les gens seront fahum yus'alun. Mais les gens seront interrogés pour ce qu'ils font. On ne dit pas pourquoi Allah a-t-il créé cela? Et pourquoi Allah n'a-t-il pas créé cela? Et pourquoi Allah a prédestiné cela? Et pourquoi Allah n'a pas prédestiné et décrété cela? On ne dit pas pourquoi Allah a rendu licite telle et telle chose. Pourquoi Allah n'a pas rendu licite telle et telle chose. Ça, c'est ce qu'ont fait certaines nations précédentes. Et ça leur a valu l'égarement et les dérives et la colère du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah la yus'al amma yaf'al. Hadi aya. Ça, c'est un verset. Allah dit qu'il n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Allah nous a donné une connaissance, un savoir, mais qui reste minime par rapport à la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah a voulu nous donner la connaissance, Allah jalla wa ala nous en a donné la connaissance. Mais il y a des domaines dont on n'a point la connaissance. Et dont notre raison ne peut concevoir. Il y a des domaines qu'il ne faut pas essayer de pénétrer. Allah jalla wa ala la yus'al. Allah n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. La tas'alun amma yaf'al Allah jalla wa ala. N'interrogez pas Allah au sujet de ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certains lorsqu'ils se sont posés des questions au sujet du Seigneur subhanahu wa ta'ala et ont dit pourquoi par exemple Allah va-t-il punir des gens qui ont commis le mal? Ces questions-là émanent de gens justement qui ont mal compris Al-Qadr. Et de gens justement qui interrogent Allah au sujet de ce qu'il fait. Et ces questions-là, les savants nous disent, ça rentre dans ce qu'on appelle sous l'adab, dans le mauvais comportement. C'est un sous l'adab, ma'Allah. C'est un mauvais comportement avec Allah de l'interroger au sujet de ce qu'il fait. Mais les savants nous ont expliqué. Allah Jalla wa Ala a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala a créé Adam, il crée Adam, ensuite il sortit sa progéniture et sa descendance d'Adam. Et là, il fit témoigner toute la progéniture et la descendance d'Adam, tous les êtres, il leur fut témoigné, il les a fait témoigner. Et ils ont pris l'engagement qu'Allah Jalla wa Ala était leur Seigneur. Toutes les créatures ont témoigné. Ils ont un engagement. C'est pour ça que les savants nous disent qu'il y a dans les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces créatures qu'Allah Jalla wa Ala a créées, trois catégories. Trois catégories. La catégorie de ceux qui ont le fardeau, vous connaissez lorsqu'on dit le fardeau, le poids, hein, ce poids-là, cette charge d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire d'accomplir ce qu'Allah leur ordonne et d'éviter ce qu'Allah leur interdit. C'est ça qu'on appelle at-taklif, annahum mukallafin. Ils sont mukallaf. Donc, parmi les créatures d'Allah, ceux qui sont mukallafin, mais qui sont ma'soumin, mais qui sont infaillibles. On va l'expliquer. Dans le sens, ils ne désobéissent jamais à Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne tombent pas dans les péchés. Deuxième catégorie, ceux qui sont pas mukallaf et ni ma'soum. Aucun des deux. C'est-à-dire, ni ils ont cette charge d'accomplir l'adoration d'Allah et de réaliser l'adoration d'Allah, ni ils sont ma'soum. Non, aucun des deux. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ont la charge, ils ont cette charge, hein, ce poids-là, de réaliser ce qu'Allah Jalla wa Ala leur a ordonné, commandé de réaliser, et ils ne sont pas ma'soum. Alors vous avez peut-être pu comprendre que la première catégorie, c'est les anges. C'est les anges. Allah les a créés, et ils sont mukallafin du fait qu'ils réalisent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'suna. Et jamais ils ne désobéissent à ce qu'Allah Jalla wa Ala leur demande et leur ordonne de faire. Jamais ils ne désobéissent. Fa min hadhihi an-nahiya, de cet aspect-là, al-malaika, les anges sont ma'soum. Ils sont préservés, on va dire. Ils sont protégés, ma'soum. Ils sont protégés de tomber dans une désobéissance. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, de ceux qui n'ont pas la charge d'adorer et de réaliser l'adoration d'Allah, par exemple, cette charge-là, le fait que s'ils n'accomplissent pas ce devoir, alors ils seront punis. C'est là lorsqu'on parle de charge. Hein. S'ils n'accomplissent pas le devoir qu'ils doivent envers Allah, ils seront punis et autres. Hein. Et ils ne sont pas marsomines, c'est les animaux. Les animaux. Ils ont été créés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils vivent dans cet univers. Allah, Jalla wa Ala, leur donne même leur subsistance. Ils ont leur subsistance. Et ensuite, lorsque les animaux meurent, yom al-qiyama, ils seront rendus turab, poussière et terre. Ils redeviendront poussière et terre. Bien sûr, il y a un hadith qui nous dit hein, que la bête cornée eh ben, va rendre des comptes par rapport à la bête qui n'était pas cornée. Mais ensuite, ils deviendront turab. Ils redeviendront poussière. Ça, c'est les animaux. Ensuite, il y a les êtres humains, les hommes. Les hommes, eux, eh ben, ils ont la charge, le fardeau. Ils doivent accomplir et réaliser le devoir qu'ils doivent à Allah Jalla Wa'ala. Ils se sont engagés. Ça arrête. Ils ont pris l'engagement. Allah leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur lorsqu'il les a Allah Jalla Wa'ala créé, sorti des entrailles d'Adam, sorti d'Adam, lorsqu'il les a créés, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, bala. Oh que oui, bien sûr, tu es notre Seigneur. Tous les êtres ont pris cet engagement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils sont infaillibles? Là. Les êtres ne sont pas marsoumines. On n'est pas marsoum. On peut commettre des fautes, des péchés. Taïb. Donc de ce fait, ensuite Allah Jalla wa'ala a montré le droit chemin, le bien, et il a montré aussi le mauvais chemin, le mal, ce chemin défendu qu'Allah Jalla wa'ala nous interdit. Allah Jalla wa'ala nous a montré le bien, tout le bien, et Allah nous a ordonné ce bien, et de faire le bien. Et donc il nous ordonne de l'adorer, de prier, de jeûner, et comme aussi Allah Jalla wa'ala nous a rendu licite de nous a rendu licite toutes les choses pures et bonnes qui sont dans cet univers, sur cette terre. Allah Jalla wa'ala nous a rendu licite toutes les bonnes choses. Comme Allah Jalla wa'ala nous a aussi interdit les mauvaises choses. Et nous a montré donc le chemin à suivre. Et Allah nous a défendu, par exemple, de commettre les grands péchés, que ce soit le polythéisme, l'associationnisme, ou que ce soit le meurtre. Allah Jalla wa'ala dit que celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Vous avez vu, Allah nous a interdit par exemple les mauvaises choses, le meurtre, de manger les biens des autres injustement, de voler les gens, le vol est interdit. Allah nous a montré toutes les mauvaises choses et défendu ces mauvaises choses-là. Donc Allah a montré le bon chemin à suivre. Sauf qu'Allah Jalla wa'ala nous a laissé le choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veuille qu'il croit et que celui qui veuille qu'il mécroit. Sauf que ils seront jugés. Allah nous a donné le libre arbitre, la capacité de choisir. Tu veux faire le bien, Allah t'a montré le bon chemin, le chemin droit. Si la personne veut faire le mal, il n'est pas contraint. Il a choisi le mal de lui-même. Certains savants ont donné des exemples, sans comparer le créateur, mais c'est pour attirer la raison de l'individu. Lorsque, par exemple, des parents ont éduqué leurs enfants et ont donné une bonne éducation à leurs enfants. Et ils ont tout fait pour le bon épanouissement de leurs enfants. Lorsque, par exemple, leurs enfants commettent des bêtises, ben, ils leur font des punitions. Ils ont des punitions. Et lorsqu'ils font des choses bien, et ben, les parents les gratifient et leur donnent une bonne rétribution. Par exemple, un patron, un chef d'entreprise, lorsqu'il a des bons éléments, des bons salariés, une personne qui travaille bien et qui, par leur biais, eh ben, il fructifie les gains. Donc il a des bons salariés qui sont honnêtes, fidèles, qui accomplissent bien leur travail et dont il en est satisfait. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des primes, il les récompense, il les gratifie. Par contre, s'il a des salariés qui causent sa perte, la perte de son entreprise, la perte de ses biens, il les gratifie de la même manière? Il les récompense de la même manière? Là? Alors pensez-vous donc, lorsque, par exemple, ce chef d'entreprise, par exemple, ne récompense pas, par exemple, ses mauvais éléments, les gens qui n'ont pas été fidèles et honnêtes, qui volent des heures, par exemple, ou parfois aussi qui peuvent voler leur patron, par exemple, dans la caisse ou autre, il ne va pas les considérer pareil. Il ne va pas les rétribuer de la même manière. Peut-être qu'eux n'auront pas des primes et autres. Et parfois, qu'est-ce qu'ils auront? Des sanctions, des avertissements, jusqu'à l'expulsion, jusqu'à le licenciement, comme on dit. Le licenciement. Taïb, est-ce que ce patron sera jugé d'injuste? S'il récompense les bons éléments de la bonne manière, en leur donnant des primes, en les rétribuant parce qu'il est satisfait de leur travail. Et ceux qui l'ont volé, qui ont causé la ruine et la perte de ses biens, le fait que, par exemple, il veut s'en séparer, est-ce qu'il sera jugé comme injuste? Là, aucune personne raisonnable dira cela. Les parents qui, par exemple, peuvent parfois punir leurs enfants qui commettent des bêtises, est-ce qu'on va dire qu'ils sont injustes? Ou bien qu'ils rétribuent des enfants, par exemple, qui, mashallah, sont vertueux, sont bons, sont gentils, sont respectueux, et sont honnêtes, et des bons éléments dans la société, le fait qu'ils les gratifient et les récompensent, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Taïb, Allah, il a pris l'engagement avec toute l'humanité. Et Allah a fait montrer le bon chemin. Celui qui veut faire le bien sera récompensé, Allah dit. Il aura la récompense du paradis. Celui qui veut faire le mal, il sera puni. C'est une justice. Taïb, on pose une question. Une personne, par exemple, qui a commis les plus grands génocides sur Terre, qui a assassiné, meurtrié, par exemple, des femmes faibles et des enfants faibles. Est-ce que ces gens-là, par exemple, sont pareils que ceux qui sont au secours des autres et qui sèment le bien sur Terre? Est-ce qu'ils sont équivalents? Est-ce qu'ils sont pareils? Une personne, par exemple, qui a fait le mal, par exemple, qui a assassiné, tué, meurtrié, on va même, et pardonnez-moi l'expression, violé une cinquantaine, par exemple, de femmes et d'enfants, commis des génocides. Est-ce que lui, il est semblable à celui qui est honnête et fidèle et pieux? Est-ce que lui ne mérite pas une punition? Ajibou, répondez-moi. Naam. Naam. Fadal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Donc pour terminer, donc vous avez vu, Allah Jalla wa'ala nous a fait montrer le bien. Celui qui veut faire le bien, donc il sera rétribué en conséquence. Et proportionnellement à ce qu'il a fait comme bonne action. Et bien sûr, Allah multiplie la récompense des bonnes actions. Et de ce fait, celui qui a fait du mal et qui a désobéi à son Seigneur, il s'est fait du mal qu'à lui-même. Et lorsque Allah Jalla wa'ala décidera de le punir et de le châtier, pour ce qu'il a fait, c'est par justice et équité. C'est par justice et équité. Donc c'est pour ça qu'Allah Jalla wa'ala a fait montrer le droit chemin. On ne peut pas comparer ceux qui font du bien. Par exemple, une personne qui, toute sa vie, s'est efforcée à accomplir sa prière pour ici remplir ce devoir qu'il doit à Allah Jalla wa'ala. Alors il prie, il fait ses ablutions, le matin il se réveille, le soir il attend sa dernière prière. Lorsque le mois du Ramadan vient, il jeûne son mois du Ramadan. Il patiente dans le jeûne, hein, il patiente, il attend l'heure du coucher du soleil pour rompre son jeûne. S'il a les moyens une fois dans sa vie, il va accomplir le pèlerinage. Il va, dans sa vie, respecter ses parents. Il va essayer d'être honnête. Il va essayer de ne pas mentir. Il va essayer de ne pas tomber dans toute forme de diffamation, calomnie, ces péchés qu'on appelle les péchés de la langue. Donc il va essayer de se préserver. Est-ce qu'il est comme celui qui est malhonnête, le voleur, celui qui commet le mal, qui sème la corruption sur terre, ceux qui font des génocides, ceux qui sèment le mal, ceux qui créent et sont à la tête de guerre, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils seront pareils auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous pensez qu'une personne qui a commis le mal dans cette vie, qui a volé, qui s'est tout permis le mal, vous pensez que même s'il ne s'est pas fait attraper dans cette vie d'ici-bas, vous pensez que c'est fini? Comme certains font. Ils font le mal, ils sèment la terreur sur terre. Une fois qu'ils voient que ça y est, il n'y a plus d'échappatoire, alors ils vont se faire rattraper et ils sont jugés pour cela. Alors, ils se suicident en pensant que c'est fini. Là, au contraire, commence une autre vie. Commence une autre vie et ils seront jugés. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Allah dit, est-ce qu'on jugera pareillement ceux qui ont cru en Allah, qui ont fait les bonnes actions, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ, et ceux qui ont commis la corruption sur terre, est-ce qu'on les jugera pareillement? Allah dit, أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ, ou bien on jugera pareillement ceux qui étaient al-muttaqin, craintifs, qui étaient pieux, qui avaient la piété, ou al-fujjar, les libertins, les débauchés, est-ce qu'ils seront jugés pareil? Là, la justice d'Allah Jalla wa'ala fait qu'ils seront jugés. Donc c'est pour cela, Allah Jalla wa'ala nous a donné cette chose qu'on appelle le libre arbitre. Chaque individu, il a le choix. S'il veut choisir le bien, Allah Jalla wa'ala lui a fait montrer le chemin du bien. Par contre, s'il a choisi, il veut choisir le mal, il peut choisir le mal. L'individu a le libre arbitre. C'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre, il ne faut pas avoir cette pensée qu'on appelle les partisans de la contrainte. Les partisans de la contrainte, c'est ceux qui pensent que, de toute manière, kul shay maktoub, tout est prédestiné, tout est écrit, ce que je fais, je suis contraint de le faire. Il y a une pensée comme ça qui a émergé, qui est apparue dans le monde musulman, à un moment donné, ça a donné une doctrine qu'on appelle al-jibriya. C'est une secte, qui a pensé que tout ce que l'homme fait, de toute manière, il en est contraint. C'est ça, al-jibriya, mujbar. Il en est contraint. C'est faux, tu n'es pas contraint. Allah t'a donné la capacité de pouvoir choisir. T'as donné la capacité de pouvoir choisir et t'a doté de cette capacité. Un cheikh disait, lorsque vous parlez avec des gens qui sont partisans de cette dérive, cette pensée hérétique, qui pensent que tout est contraint, de toute manière ce que je fais c'est maktoub, je suis contraint de le faire, tout a été écrit, j'avais pas le choix. Alors un cheikh disait, bah, dans ce cas-là, vous lui mettez une frappe sur le visage, une sorte de gifle. La personne te dira, tu m'as frappé, pourquoi est-ce que tu m'as frappé? Il dit, j'en étais contraint. Ensuite, il lui en remet une. Il lui dit, pourquoi tu me refrappes? Il dit, j'en étais contraint. Après, il lui dit, mais on n'a pas le droit de frapper dans le visage. Alors, il lui met un coup dans le ventre. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte? Il dit, c'est pas moi, j'en suis contraint. Est-ce que ça, on peut raisonner? Est-ce qu'on peut raisonner de cette manière-là? On ne peut pas raisonner de cette manière-là. C'est-à-dire, fait de toute manière, je suis contraint. On ne peut pas raisonner de cette manière. Vous voyez, c'est la mauvaise compréhension de la religion, c'est ça qui génère et crée la confusion dans le cœur des croyants. Être sur une bonne croyance, ça génère quoi? Le fait qu'on sera apaisé, tranquillisé. La personne, sa poitrine, il la trouve saine et pure. Il comprend ce qui se passe. Donc, pour terminer, on continuera demain, Inch'Allah, dans cette question qui est très importante. Allah nous a donné la capacité de choisir. Il nous a donné cette capacité, doté de cette capacité. Il nous a montré le droit chemin, les bonnes choses, les bonnes actions. Comme Allah, Jalla wa'ala, nous a montré aussi ce qui est mauvais. Donc maintenant, on peut choisir. Par contre, on apprendra que seulement, Allah, Jalla wa'ala, celui qui choisit d'être un bienfaiteur, celui qui veut bien faire, celui qui veut être vertueux, celui qui veut être bon, accomplir les bonnes choses et suivre ce bon chemin, Allah va lui rajouter et va l'assister et lui accorder le succès. Regardez dans les versets lorsqu'Allah dit « Falam mazaru azar Allahu qulubahum ». Dans un verset en traduction relative, Allah dit « Lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur ». Parce que de même, celui qui va choisir le mal et vouloir cheminer sur le mauvais chemin, Allah eh ben, va l'égarer. Si tu choisis le bien, Allah va te faciliter. C'est pour cela que dans un verset, regardez, Allah dit « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ » Dans un verset, Allah dit « Et quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira la piété. » Vous avez vu ? Ceux qui se mirent sur la bonne voie. Comment ils se sont mis sur la bonne voie ? Ils ont voulu être sur la bonne voie et Allah les a guidés vers cette bonne voie. Hadahum Allah. Fallah jalla wa'ala yakul walladina ihtadaw zadahum huda. Idha kana al-insan yuhibb al-huda wal-khayr, fallah jalla wa'ala zid lahu al-khayr. Allah lui rajoute. Par contre, regardez pour terminer. Dans un autre verset, Allah jalla wa'ala dit: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Regardez Allah jalla wa'ala, traduction relative du verset, on va se quitter sur ce verset. Allah dit, par contre, Allah dit, celui qui donne en aumône et craint et déclare véridique la plus belle récompense, vous avez vu, c'est les bonnes actions. Il déclare véridique la plus bonne récompense. Allah dit, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Allah va te faciliter. Tu choisis le bien, Allah va te faciliter. Par contre, regardez Allah, qu'est-ce qu'il dit? Et quant à celui qui est avare, bakhila wa starna, il est avare, radin, se dispense, wa starna, yani il se dispense de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bakhila wa starna. ما يريد أن يعبد الله جل وعلا ما يريد العبادة لله جل وعلا ولا يحقق عبادة الله جل وعلا فالله جل وعلا يقول له ويكذب كذلك بالحسنى et traite de mensonge la plus belle récompense. Allah dit, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Il va connaître la difficulté. Vous avez vu, hein? Donc Allah dit que on peut choisir et Allah ensuite nous facilitera soit le bon chemin, soit الأنفس والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك